Voilà, deux extraits de Pulse, nouvel album live du Floyd. C'est presque de l'exclusivité sur Bande à part, l'émission du rock progressif. Il était là il y a une bonne semaine, en concert dans nos murs, il n'y avait pas grand monde, mais votre humble serviteur était là, lui présent. Je veux parler de Fish, et oui, Fish était là avec une nouvelle tournée, très sympathique, très professionnelle, toujours aussi cordial, aussi proche de son public. Peut-être nettement moins progressif, mais bon, faut pas faire trop la fine bouche. Je vous propose un petit extrait de son premier album, histoire de faire un petit clin d'œil et de renouveler le plaisir que vous avez eu à assister à ce concert. Fish, Vigil in the Wilderness of Mirrors. That it seems. Captain Cœur de Miel, déversa tout son fiel, l'envoya se faire foutre à la mer. solitude entre deux cardinaux, les vagues brodaient son testament. Le long cargo d'amertume reniflait l'après-guerre, par quelques blessures à l'avant. Poisson si gouvernail filé entre les mailles, il était là planté sur le pont, le nez collé au ciel, le sextant en haleine, les bouteilles de rhum blanc à la main. La nuit gisait splendide, une Vénus sans pudeur, cambrait sa proue à la grande ours. Lui restait candide face à tant de beauté. L'univers poursuivait sa course. Mais la mer est loin de tenir le secret. Il était là, rivé sur le pont, à chanter les étoiles, à maudire les écueils, une bouteille de rhum blanc à la main. Une bouteille de rhum blanc à la main. Une fièvre aux allures glauques s'empara du vieux loup. Neptune avait tiré au sang des enfants de salauds engrossés la soute quand il était entre deux pas. Mais le ciel et le vent cramponnaient le secret. Il était là planté sur le pont, à chanter les étoiles, à maudire les écueils, une beauté. Il avait perdu la boussole. Alors, de tout son être, Captain Cardemiel se laissa glisser, glisser dans la terre. Poisson si gouvernail filé entre les mailles. il t'est arrivé sur le pont à chanter les étoiles, à mourir les écailles, une bouteille de vin blanc. L'envoya se faire foutre à la mer. Et Captain Cœur de Miel déversa tout ça. Je sais plus très bien ce que je dis. Je sais plus très bien ce que je dis. Hein. Oh, qu'ils sont drôles. Des sirènes qui s'apprêtent au chant, ce chant qui enivre mon être. J'ai le cœur qui orchestre la symphonie du temps. kick to the door, my tail. Dear time, kiss out bright. I talk. Listen, it's a way. She let me walk les vagues se déroulèrent sur la terre. De fabuleux oiseaux de couleurs flamboyantes s'envolèrent de la forêt. Eh bien, nous sommes tous de jolis anges ensemble au paradis. Couche-toi, mon chéri. Marillion. Everybody knows we live in a world that they give bad names to things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. Laughing behind their hands while the fragile and sensitive are given no chance. But the leaves turn from red to brown, to the trodden down, to the trodden down. But the leaves beautiful world, we should give beautiful a second chance. Believe from red to brown, to the trodden down, to the trodden down. Afraid of Sunlight, il a peur de la lumière du soleil. C'est le titre de ce nouvel album de Marillion en exclusivité, je vous rappelle, sur Bande à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis 86. Vous pouvez toujours m'appeler pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à midi, midi et demi, 78 89 45 05, 78 89 45 05. Voilà, il y aura même tout à l'heure un disque à gagner, un disque de rock progressif, bien sûr. Ce disque de Marillion, eh bien, pour l'instant, je n'ai qu'une cassette de chez EMI, et on les remercie au passage. Merci Tania. Voilà, donc se présente avec deux faces, une face 23 minutes 24 et une face 28 minutes. Donc un disque assez court, assez bref. L'ensemble ressemble fort à Brave au niveau des atmosphères, au niveau de la brièveté des morceaux. À noter que cet album est dédié entre autres à Kurt Cobain de Nirvana, incroyable mais vrai, on va y revenir. De toute façon, je vais vous passer un extrait d'une interview que j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir avec Steve Hogarth vendredi dernier, c'est pas vieux. Et oui, donc on reviendra sur cet aspect dédicace de Nirvana dans l'interview à paraître dans Acid Dragon. Cet Acid Dragon que vous allez, je pense, vous arracher, eh bien, sera publié avant les vacances, avant juillet, avec entre autres interview donc de Marillion, interview de Juan Stolt, vous savez, le guitariste hero, la star du Nord en matière progressive, également John Wesley qui était dans nos murs, une bio sur Wishbone Ash et une quantité absolument délirante de chroniques, tout ça pour 20 balles. Je reviens donc à Marillion, c'est quand même le vif de l'actualité. Une première phase donc de morceaux assez curieux, assez pop je dirais pour être un petit peu méchant. Un morceau d'ailleurs qui fait clin d'œil aux Beach Boys, s'intitule Cannibals of Babe. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Beautiful, qui vient de sortir d'ailleurs sous la forme d'un maxi, d'un single. Ce single, je l'ai sous les yeux, lui. Je peux vous dire qu'il comporte, outre Beautiful, il comporte deux morceaux démo, Great Escape et Hard as Love, et un autre morceau en supplément qui s'intitule Live Forever. Voilà pour ce qui est du single. Je termine sur cet album. En face B, nettement supérieur à mon goût, on a entre autres le titre éponyme, Afraid of Sunlight, que je vous passerai tout à l'heure, Beyond You, qui est excellent, et King. Voilà un album fort nostalgique, un album mélancolique, plus que nostalgique. Et je vous propose, en avant-première, c'est encore un scoop, un petit extrait de cette interview, Steve Hogarth et votre humble serviteur, qui cause de cet album sur le 90.7, et c'est bien sûr Brume. So what I'm trying to say is that if what comes out of Marillion is progressive rock, then that's all well and good. But what I'm here to tell you is that what comes out of us is just what comes out of us when we jam. No, okay. We don't try to be like anybody. We don't all sit around at night listening to Lamb Lies Down on Broadway or Relay. Okay. In fact, our influences are extremely diverse, and yet what comes out of us is something which I think is quite lyrical, very cinematic, and atmospheric, musically, which might well fall completely within. I mean, what was interesting me here in your definition of progressive rock was that it more or less described as perfectly, and yet it's not something we're self-conscious of. In fact, I think, you know, 9 times out of 10, I would argue that we're not a progressive rock band. And yet how you've defined progressive rock here does seem to suit us. I mean, we are melancholy, we are lyrical. We're not a pop group. I mean, anybody knows we're not a pop group. And we are very... I don't know if we're terribly nostalgic, but we are terribly romantic, and there's a fine line between the two, I suppose. But if you take out nostalgia and put romance in, then I probably can't argue with you, really. But all I'm trying to say is that it's not self-conscious. We do what we do. And I think if you were to talk to any artist who prided him or herself on being truly creative, then to label them will always offend them, you know, because they'll always go, what are you trying to say? You know, it's like telling someone they're only capable of running 100 metres when they're quite as happy running a marathon, if you know what I mean. Okay. All right. Another personal question. Are you preparing a solo album, or are you working with other bands? Personally, let me think about this. No, I haven't. Solo project. I'm just about the only one who isn't. Mark Kelly, our keyboard player, has been producing an album for a band called Jump, who are a progressive rock band from England. Jump. Is it fair to say they're progressive rock band? Jump. Yeah. J-U-M-P. Stephen Rothery, our guitar player, is working on a solo album at the moment with a singer called Hannah Stobart. I'll have to spell that for you. Yeah, please. It's H-A-N-N-A-H. Hannah Stobart. S-T-O-B-E-O-A-R-T. Hannah Stobart. She's been doing singing. She's and he plays the guitar on this album. Yes, it's and his. Produ- and the production? Yes, he's producing. He's produced what they've done so far. Ian Mosley, our drummer. He's been working with a French guitar player called Sylvain de Gouverneur. De Gouverneur. Gouverneur. Yes. Exactly. They're working together on a on recording together at the moment. Mm-hmm. Sylvain used to be the guitar player in Arakin. In Arakin, yeah. So Sylvain and Ian are working together at the moment, which just leaves me and Pete. As far as I know, Pete Travis isn't. Pete has worked on the Sylvain project with Ian. Pete Travis has played a bit of bass, I think. So I'm the only one who doesn't seem to be doing anything. Mainly because I'm running around the world talking about this Marillion album. Because I am here, I can't work. I don't have time to make music. I'm too busy being a politician, shaking hands and kissing babies. But I do have a plan to do a solo album. Hopefully next year. Voilà, un large extrait de cette interview où notre ami Steve Hogarth s'exprime à propos du rock progressif. A quelques, effectivement, idées là-dessus qui me paraît fort intéressantes sur le côté un peu réducteur de l'étiquette. Et une autre question, vous avez deviné, enfin pour ceux qui comprennent l'anglais, une autre question qui a trait, elle, sur les albums solo, les projets autour de Marillion. Voilà, pendant ce temps-là, j'en ai profité pour caler la cassette et vous passer un deuxième extrait. Ah, que vous êtes chanceux. Afraid of Sunlight, c'est carrément le titre de l'album. C'est vraiment le meilleur morceau, c'est superbe. En exclusivité sur Bande à part, l'émission du rock progressif, vous en avez de la chance. Marillion. drive the road to your surrender. Tide comes around, out of my hands. Small boats on the beach at dead of night. Come and go before first light. First light. Leave me running anymore. I will leave you alone.